9KT9KT. Faudra que tu l'acceptes, cette son qui tourne dans ton traité. La patesse, mon adresse, ça les fesse, en stress. Je te passe, elle te passe en caisse, mon rouge te prend le vitesse. Viens, patesse, 9KT. Faudra que tu l'acceptes, cette son qui tourne dans ton traité. Ok, passe-moi le match, tu sais, c'est l'artifice et au shaker. Genre de psycho, pas qui te sodomise, tant qu'il a chaque pas qu'on matricule, c'est le P4. Bah, mon lieu, c'est le 9-4. On est trois, non, intouchable, mais dis-toi, on est plus que 4. Y'a 6 millions de façons et une manière dessus. Ça fait qu'il me reste 94 raisons pour t'assassiner. Elle merge toute la rage du 9-4 du ton. Déjà foutu, c'est tout, t'as choisi le mauvais numéro. Hé hey gros, on est beaucoup trop attent sur le bitume. On se parlait de ma clique mafia d'Afrique, nous on t'allume. Prends ça comme tu veux, c'est des promesses et non des menaces. Nous on fume direct comme dans la première scène de menaces. Touche pas, parle pas, on suit sous Sky. Demande à Fred comment ça se passe quand on débarque la Sky. On est boules, pose nos boules, à beaucoup, mais les boules. Merci, je dédie à Doudou et chaque boule. Genre du bataillon, c'est-il armure en ascension. Country, mafia, fais-toi une raison. Garçon, opa, vocal terrestre, catastrophe dans stéréo. Rasé, terroriste, immatriculé dans 9-4 emploi, exprime hardcore afin de définir position. Explose ton sens et s'élève dans sens progression. Du hip-hop authentique, je suis MC qui décape dans rap. Mafia d'Afrique, dans bis, t'es ma maclique. Rap pas pour les mecs classe ou pas classe. Place pour une étape du patron à 8h du mat. L'underground, j'fuck, même ton autoprod paye les impôts. Expression brutale, ferme la peau pas dans question. Injection, micro de bronche, j'ai désenchanté. Du rap braqueur à bon entendeur enchanté. Et gros, écoute ma façon de te faire flipper. T'as 94 raisons de flipper. Viens pas t'es 9KT. Si tu l'acceptes, Doudou Master la mafia qu'un ouais, ouais. Viens pas t'es 9KT. Faut que tu l'acceptes, cette son qui tourne dans ton PD. Viens pas t'es, ça les fesse, en stress. J'te passe en caisse, mon gros, j'te prends le vitesse. Viens pas t'es 9KT. C'est le son qui tourne okay, dans ton traité. 9-4 nous filme, jamais en faire, pour autant, une overdose. C'est quelque chose, 9-4 ghetto, ça comprend beaucoup de choses. C'est pas les plus braves qu'on arrose, mais des Halimix la mettre dans le rose. Va essayer de comprendre quelque chose avant même qu'on t'hypnose. On nous fait croire des choses totalement absurdes, totalement confuses. Faudrait qu'on suce, puis qu'on suce, et qu'on puce on s'excuse. Demande à Doudou Masta, wesh ils sont fous ou quoi. Pourquoi chercher la perte à une bande de potes comme Capri Mafia. En plus tout le monde sait, dans tous les ghettos il se passe la même chose. Au même halam on s'expose, et faut que le halal on impose. Car moi j'ai merde, là où les hommes pour la plupart ont fait la guerre. L'Algérie, ma fierté, jazz et yeux, je veux comme une antenne. En l'occurrence la France, je suis pas là pour vous satisfaire. D'ailleurs j'ai vite fait de me faire dispenser de votre service militaire. C'est OGB, ça te plaît pas, ferme ta gueule si ça te plaît pas. Si l'Afrique ne vous plaît pas, chez vous moi j'ai les pieds pas. Parce que quand moi y'en a plein qui te baffent. Sur le papier ou sur le terrain, c'est chez nous que ça te froisse. Stephen, si garde les bras et des coups on te casse. Pas content, tu casses, tu traces ou tu baisses la face. Flip parce qu'on commence et qu'on n'a pas fini de s'organiser. Et si ça part en yuck, ça va dégénérer. Flip sur nos têtes cramées, l'eau que c'est rasé. Rime qu'on soit les idoles de la fille que t'as délaissée. Fille, cache-toi, c'était une grosse lance. Barrage-toi, enterre-toi, bouge-toi avant qu'on le fasse pour toi. Flip sur la bonne boule, c'est prendre mon pote Rameau. Pas crier, incognito, passe partout, là le gros leur faut. Flip sur l'oseille qui se brasse. Sur les liasses qu'on amasse, masse. Sur les tripes qu'on entasse. Les stances sur ma gueule ou sur mon garde-glace. Toutes les menaces comme dans menace. Saucer sur la place du marché à l'heure du marchand. Flip même sur les mondes qui chantent. Sur les voix qui enchantent. 9-4-400, bitch, là ça tente. Faut pas quitte mes ententes. Sinon, flip même pendant ton heure de détente. Flip, fais gaffe à la détonation. Viens pas t'es 9-4-T. Si tu l'acceptes, Doudou Masta la mafia qu'un ouais, ouais. Viens pas t'es 9-4-T. Faut que tu l'acceptes, cette son qui tourne dans ton traité. Viens pas t'es, mon adresse, ça les fesse, en stress. J'te presse, j'te presse, en casse, mon gros, j'te prends le vitesse. Viens pas t'es 9-4-T. Faut que tu l'acceptes, ouais, cette son qui tourne dans ton traité. Une parole et un manche, l'un est ferme, l'autre d'acier. Micro fus d'assaut, off, M16 pour un 16. Tu connais le dossier, j'envoie la sauce comme Tony sous anesthésie. Ok, sans ça, tu veux la guerre? Suis ça, toi tes associés, nique les chivatos comme on m'a soirée. Tous les Franck Lopez, plein de champagne, frais mon soirée. Papillon de nuit comme Elvira, aux teintures blondes platine. Suceuse quand tes disco d'or avale, quand tes platines. Crasseuse, t'es grillée comme un stir qui vient pécho. Des autres en poissonnerie qui remontent aux zènes quand on fait chaud. Ça vient de la zone, car t'es chaud, bruyant. C'est chaud, point à bruyant. C'est bruyant comme une tronçonneuse. Tous nous débrouillons, pas besoin d'aide. Comme Dieu, t'es dans le ton d'un football chargé. Sors le PQ, toute la merde du vécu, je viens décharger. Sur un son spatial, un flow spécial, touchant autant les gens de classe que les hospitales. Fais danser les señoritas, mesquina, michtonneuse. Que ça soit dans le showbiz ou dans le mannequinat, michtonneuse. Viens pas t'es 9-4-T. Si tu l'acceptes, Doudou Masta la mafia qu'un ouais, ouais. Viens pas t'es 9-4-T. Faut que tu l'acceptes, cette son qui tourne dans ton traité. Viens pas t'es, ton adresse, ça les fesse, en stress. J'te passe, j'te passe, en casse, mon gros, j'te prends le vitesse. Viens pas t'es 9-4-T. Faut que tu l'acceptes, cette son qui tourne dans ton traité. Si, viens pas t'es 9-4-T. Si tu l'acceptes, Doudou Masta la mafia qu'un ouais, ouais. Viens pas t'es 9-4-T. Faut que tu l'acceptes, cette son qui tourne dans ton traité. Viens pas t'es, ton adresse, ça les fesse, en stress. sans caisse mon gros